Chapitre 8e, l'insulte. Luca Dolci s'était jeté dans l'intérieur de la gondole, recueilli et silencieux. Fra Mozzo s'assit en face de lui. L'air de la nuit était froid et le vent soufflait tristement venant de la mer. La ville s'endormait. À peine de temps à autre, quelques gondoles attardées, noires silhouettes avec un œil de feu, glissaient sur les canaux. À la faible lueur que reflétait sur le velours rouge de la cabine le falot attaché à la proue, Fra Mozzo voyait flotter dans une atmosphère fantastique les traits pâles de son compagnon. Un frisson courut dans tout le corps du moine et il abaissa son capuchon pour se soustraire à cette apparition continue. Ils débarquèrent au quai des Esclavons. Luca Dolci, ayant fait asseoir le moine près de lui sur les degrés du quai, commença de lui parler à voix basse. Mais il observa, comme il le rapporta plus tard, que le jeune gentilhomme montrait à plusieurs reprises au moins une maison d'aspect assez pauvre qui se trouvait la seconde du quai. Il remarqua en outre que durant cet entretien, le moine éternua fréquemment ce que lui, batelier, attribuait à la grande vivacité de l'air. Au bout d'un quart d'heure environ, Fra Mozzo rentra seul dans la gondole. « Au palais Contarini !» cria Luca Dolci. Pendant que la gondole s'éloignait, Luca s'approcha de la maison qu'il avait plusieurs fois indiquée au moine. Il frappa à la porte, Don José lui ouvrit et l'entra. Le gondolier n'était pas à la moitié de sa course qu'il s'entendit appeler par le moine. « Qu'a-t-il, mon père ?» dit le bonhomme en se retournant. Le visage du moine, qu'il aperçut à la petite fenêtre de la gondole, lui parut si singulièrement livide qu'il ajouta avec vivacité « Êtes-vous malade, mon révérend ?»« Non, mon fils, » répondit Fra Mozzo. « Je voulais seulement vous prier de ne pas tant vous presser. Cette nuit est noire comme le péché. Vous pourriez nous briser sans vous en apercevoir. »« Soyez tranquille, mon père, je connais ma route, » dit le batelier en reprenant ses rames. De fait, Fra Mozzo, bien que Luca ne l'eût point initié à ses projets, était averti, par un de ses infaillibles pressentiments de la conscience, qu'il allait servir d'instrument à quelque œuvre damnable. Son égoïsme sensuel et sa lâcheté de cœur le soumettaient à l'ascendant de la marquise et aux instructions de Luca comme un bon musulman à la fatalité. Mais, ainsi que toutes les infirmes natures de son espèce, il essayait de gagner du temps, espérant gagner du courage. Il était 11h30, on nous pardonnera de compter les heures vénitiennes à la mode française pour ne pas embarrasser les idées du lecteur, quand Fra Mozzo arriva à la porte du palais Contarini. Le gondolier, à qui il avait recommandé de l'attendre, ne le vit pas plus tôt hors de sa barque qu'il fit force de rame et s'alla perdre dans le dédale des lagunes latérales. Le bonhomme n'était pas payé, mais il aimait mieux se résigner à cette perte que de se trouver mêlé à quelque mauvaise aventure comme celle qu'il sentait dans l'air et que lui faisait prévoir les allures suspectes de ces deux passagers. Un vieux domestique nommé Beppo, celui-là même qui avait servi de confident à Giulia au début de son amour, vint ouvrir à Fra Mozzo. Malgré l'heure avancée et contre ses habitudes, Giulia veillait encore. Elle comptait sur le prochain retour de Michel Gritti et voulait acheter une collerette à la française qu'elle avait dessinée et brodée pour lui. Informée qu'un moine demandait instamment à lui parler, elle le fit introduire sans hésitation. Le malheur voulut que Giulia eût vu plusieurs fois Fra Mozzo à Sainte-Marie-Formose, de sorte qu'elle le reconnut, qu'aucun doute ne put entrer dans son esprit sur la sincérité du personnage et de son costume. « Vous êtes le bienvenu à toute heure, mon père, » dit la jeune fille. « J'ai le regret de vous dire que ma tante s'est depuis longtemps retirée et qu'elle dort sans doute, mais si c'est pour affaire de l'église ou des pauvres, elle me remerciera de l'avoir éveillée. » « Ma fille, » répondit Fra Mozzo, « c'est à vous seul qu'on m'envoie. Je désire être seul avec vous. » Le vieux domestique se retira. « Parlez, mon père, » reprit Giulia. « Vous tremblez? Avez-vous froid? Souffrez-vous? Mon Dieu, venez-vous m'annoncer un malheur? » « Un malheur, ma fille, vous l'avez dit. » « Michel ? » s'écria le pauvre enfant faisant un pas vers le moine. « Ma fille, mettez votre confiance en celui qui ne trompe jamais. » « Au nom de celui dont vous parlez, mon père, ne me torturez pas plus longtemps. J'ai du courage, avec l'aide de Dieu. Sir Michel Gritti est-il mort, mon père, ou m'a-t-il trahi ?»« Il vous a trahi, signora, et il va mourir. » À cette déclaration, Giulia demeura d'abord immobile, les lèvres entrouvertes, comme ne trouvant point de parole, puis elle regarda le moine des pieds à la tête, comme si elle eût cherché un prétexte de révoquer en doute son témoignage. Enfin, elle poussa un cri de désespoir navrant, des pleurs abondants mouillèrent la collerette blanche qu'elle tenait encore à la main, elle tomba à genoux et pria quelques minutes en pleurant, la tête contre terre. Elle se releva plus tranquille. « Maintenant, mon père, dit-elle, contez-moi tout. » Ma fille, répondit Framozzo qui grelottait de tous ses membres. Sir Michel Gritti est à Venise depuis 2 jours, bien que vous l'ignoriez. Ce soir même, il a été frappé mortellement par un cavalier dont il était le rival auprès de la marquise Onesta Giustiniani. Ce pauvre seigneur refuse de se réconcilier avec le ciel à cause de vous, ma fille, qu'il a, dit-il, mortellement offensé et dont il ne peut ni ne veut avoir le pardon. Le voyant dans cette misère suprême, son ami, que vous connaissez, le cavalier Vespasiano, m'a dépêché secrètement vers vous afin de recommander le pécheur mourant à votre miséricorde, qui doit précéder celle de Dieu. » Ainsi parla Fra Mozzo, répétant rapidement et mot à mot le message que lui avait confié Luca Dolci. Giulia l'avait écouté avec une apparence de calme, mais tout son corps était agité de soubresauts, comme si d'instant en instant quelque chose se brisait en elle. « Merci, mon père, merci, » reprit-elle. « Vous avez bien fait de venir. Je vous suis. Conduisez-moi. Beppo va nous accompagner. » Giulia jeta une mantille sur ses épaules, et le vieux domestique, sans hasarder de questions, sortit du palais la suite de sa maîtresse et du moine. « Où allons-nous, mon père ?» demanda Giulia. « Sur le quai des Esclavons, signora. À la seconde maison, emmenant ici. J'ai là une gondole qui m'attend. » Mais la gondole, comme on sait, avait disparu. Giulia ne voulut pas faire réveiller les gondoliers attachés au service du palais, de peur que sa tante ne prît l'alarme. Elle partit à pied, traversant les quais et les ponts avec une précipitation telle que Beppo et Framozzo avaient peine à la suivre. Giulia est à peu près à moitié du chemin, quand elle crut entendre à quelque distance derrière elle un cri étouffé. Elle se retourna et ne vit plus ni Beppo ni Framozzo. Elle essaya d'appeler, mais sa gorge était serrée par une angoisse affreuse et aucun son ne put sortir de ses lèvres. Alors, les yeux errant sur la noire et vague solitude des rues et des canaux, l'oreille assourdie par cette voix désolée que parle la bise de minuit, Giulia sentit plier son âme sous le fardeau de sa douleur accrue de l'isolement. Dieu seul put voir le regard de profonde détresse que la pauvre fille, près de défaillir, leva vers le ciel. Mais ce regard fut exaucé, car aussitôt Giulia entendit un bruit de pas et aperçut, au détour du pont sur lequel elle s'était arrêtée, Beppo et le moine, qui la rejoignaient en courant. « Qu'est-ce donc ? » cria-t-elle. « Rien, rien, signora. » répondit Beppo. « J'étais tombé. Le bon père m'a aidé à me relever. Cela nous a un peu retardé, voilà tout. » Giulia reprit alors sa marche rapide, et quelques minutes plus tard, elle frappait à la porte de la maison du quai des Esclavons. Une matrone à longue coiffe noire vint ouvrir. « Sois loué Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, madame, » dit la vieille. « Vous êtes attendue comme la colombe de l'arche. »« Bonne mère, » dit Giulia. « Où est celui pour qui je viens ?» Et tout en parlant, elle était entrée. Le moine et Beppo rentrèrent après elle. « par ici !» reprit la vieille, marchant, une lampe à la main, devant Giulia, qui sentait le calme lui revenir à mesure que le moment le plus cruel de l'épreuve approchait. Car c'est une grâce que Dieu fait à ces organisations délicates et sensitives de leur envoyer, à l'heure solennelle du danger, je ne sais quelle paix au cœur qui remplace et surpasse souvent la fermeté musculaire la plus énergique. « Madame, dit la matrone, le seigneur Vespasiano désire que le digne prêtre entre seul avec vous. » Giulia fit de la main un signe à Beppo, qui demeura dans le vestibule, tandis que le moine suivait les deux femmes. Après lui avoir fait traverser 2 ou 3 pièces, la vieille introduisit Giulia dans une grande salle à l'extrémité de laquelle elle vit une porte recouverte d'une tapisserie. En cet instant, soit par hasard, soit à dessein, la vieille laissa tomber sa lampe qui s'éteignit. Giulia sentit alors dans l'obscurité une main qui prenait la sienne, et elle entendit une voix, qu'elle prit pour celle de Vespasiano, lui dire à l'oreille « Venez, madame, grâce à Dieu, il est encore temps. » Puis l'homme souleva la tapisserie, ouvrit la porte qui était à l'extrémité de la salle, et Giulia se trouva tout à coup dans une chambre pleine de lumière, au milieu de laquelle une douzaine de femmes et de cavaliers buvaient, attablés. À ce spectacle, la jeune fille poussa un cri de surprise et fit un pas en arrière. Mais Luca Dolci retint sa main et élevant la voix. « Mais très cher, dit-il, je vous ai promis de vous présenter cette nuit ma nouvelle maîtresse. La voici. Comment la trouvez-vous ? » Un murmure d'étonnement répondit à cette présentation et le nom de Giulia Contarini circula parmi les convives. Cependant, Giulia, immobile, retirée sur elle-même, les yeux égarés, demeura quelque temps sans parole. Puis, tout à coup, « Mon Dieu, dit-elle, mon Dieu, « qu'est-ce que c'est donc ?» Et se retournant vers Framozzo, qui se tenait près de la porte, courbé en deux par l'hypocrisie ou par la confusion, « Mon père, reprit la jeune fille, répondez, où m'avez-vous conduite? Mais toute cette histoire horrible, vous mentiez donc? Oh, merci, mon Dieu, merci, s'il a menti. Pardon, mesdames, interrompit Luca, mais la chère enfant n'a qu'un défaut, c'est de contrefaire la folle par bouffer. Rien n'est moins gai. Voyons, ma chère belle, venez vous asseoir avec ces dames, et puis nous pleurerons demain à notre loisir. C'est ma coutume, aussi bien après les nuits d'amour. Julia se délivra violemment de l'étreinte de Luca. « Quel misérable fou êtes-vous vous-même, monsieur ? » lui dit-elle en le regardant en face. « Ah ça ! » cria le comte Angelmonte de sa place. « Entendez-vous, mes anges ? Allons, ma belle dame, buvez un peu pour vous remettre, et puis nous causerons d'amitié. »« Tenez, chère petite, tout cela c'est de l'enfantillage, » dit la Dolfina avec sa bonhomie grave. « Venez vous asseoir ici. Parlez 1300 000, comme disait Vespasiano. De quoi vous plaignez-vous ? De ce que vous avez là une douzaine de témoins de votre bonheur ? Car c'en est un, ma mignonne, et point mince, que d'avoir pour amant ce démon beau comme un ange. Quelle femme est-ce là ? Dit Julia. Vous êtes impertinente, mon trésor, reprit la Dolfina, à votre santé toutefois, car je ne suis pas pointilleuse. Ce qui me réjouit, moi, dit un des cavaliers, c'est le moine. Que diable fait-il là ? On dirait un limaçon ramassé dans sa carapace. Moine, montre-nous tes cornes, il est adorable. Bravo, bravo, toro, comme dit l'espagnol. Et chacun des convives, successivement ou en même temps, jetait son mot de raillerie et d'ivresse dans cette immonde mêlée. Don José seul gardait le silence. Cependant, Julia, revenue de sa première surprise, commençait à comprendre la nature du piège dans lequel elle était tombée. Elle frémit, et tout son corps trembla à la pensée que sa présence seule en ce lieu devait être un déshonneur public, dont aucun témoignage autre que le sien ne pourrait la disculper aux yeux de Michel Gritti. Elle porta vivement les deux mains à ses tempes, comme si elle sentait son esprit près de lui échapper, puis, se précipitant vers la porte, « Beppo, Beppo » cria-t-elle, « à moi, au secours !»« Sans Dieu, madame !» dit Luca, l'arrêtant d'une main. « Vous étiez plus raisonnable tout à l'heure. Mais sachez que toutes ces simagrées n'en imposent à personne ici. »« Voyons, ma belle, » poursuivit-il, tandis que Julia, éperdue, s'enfuit devant lui, aux éclats de rire de tous les gens de la table. « Voyons, j'aurais beau jeu pour me fâcher, moi qui ne suis point patient de mon métier, mais vous êtes si charmante, avec votre air effarouché, qu'un baiser sur ces belles lèvres nous va réconcilier comme deux tourtereaux. » En achevant ces mots, Luca Dolci étreignait déjà dans ses bras la jeune fille frémissante qui, sentant ses forces l'abandonner, balbutia avec une folle terreur. « Perdu, perdu, oh Gritti !» À cet instant, le moine, qui durant toute cette scène n'avait point quitté son humble attitude, s'élança soudainement du coin où on l'oubliait, et saisissant de la main gauche Luca Dolci, qui lui tournait le dos, il le souffleta de la droite avec une violence telle que le jeune homme, lâchant sa proie, alla donner de la tête contre la muraille. Puis le moine, passant un bras autour de la taille de Giulia, releva son capuchon et montra à celui qu'il venait de châtier et à tous les convives stupéfaits la face noble et terrible en ce moment de Michel Gritti. Il eut alors un instant d'effroi silencieux, pendant lequel Julia pleurait, affaissée sur la poitrine de son amant. Tous les convives étaient debout. Luca, adossé au mur, haletait, la bouche ouverte, et son haleine sifflait bruyamment entre ses dents. Ce fut Michel Gritti qui le premier prit la parole. « Hola ! » cria-t-il, « cavalier !» Aussitôt la porte s'ouvrit, et le cavalier Vespasiano entra, le chapeau sur la tête, contre ses habitudes d'extrême politesse. La porte refermée, il s'y tint appuyé, les bras croisés. « Messieurs, reprit Gritti, ne vous étonnez pas que j'ai appelé le cavalier. Puisque je suis ici chez un lâche, rien ne m'empêche de supposer que je sois chez un assassin. »« Et tu supposes vrai ! » cria Luca en tirant son épée. Mais avant qu'il eût fait un pas, il fut contenu par le bras puissant de Vespasiano, qui lui saisit la main et lui retira gravement sa lame. Don José fit un mouvement pour s'élancer à l'aide de Dolci. Angelmonte et deux autres cavaliers le retinrent. « J'ai eu beaucoup de patience, » continua Michel Gritti, « et j'en demande humblement pardon à la signora. Mais j'aurais cru véritablement insulter Dieu qui a créé cet homme, si j'avais osé prévoir à quel point d'infamie il en viendrait. Maintenant, j'ai à dire que je conçois le vice et la corruption et le crime. Mais ce que vous venez de faire, jeune homme, je n'en avais point idée. « Monsieur, » poursuivit-il avec éclat, « vous me tourniez le dos. » « Quand je vous ai frappé, lâcheté, » murmura Dolci. vous me tournez le dos et je vous ai frappé. » Reprit violemment Gritty. « Ceux qui me connaissent, et j'en vois là plus d'un, vont dire que jamais, ni à la guerre, ni même à la chasse, quand on en rirait, je n'ai attaqué mon ennemi autrement qu'en face. Mais le scrupule qui me vient à l'égard d'un païen, d'un bandit ou d'une bête fauve, ne m'est pas venu vis-à-vis de vous. À des actions comme celle-là, la mort n'est pas un châtiment qui suffise. Si vous n'étiez que criminel ou féroce, je jure Dieu que je vous aurais prié de me regarder avant de vous toucher. Mais vous êtes vil, et c'est pourquoi je vous ai écrit ce mot sur la joue. Je vous ai flétri et marqué publiquement au visage. Mort ou vivant, dès à présent, la honte est sur vous. Que ceci vous soit dit. J'explique tout ce que je fais. Maintenant, Vespasiano, je vous laisse pour écouter ce que monsieur peut avoir à vous dire. Venez, signora. » Et Michel Gritti quitta la chambre, portant, plutôt qu'il ne conduisait, Giulia à demi évanouie. Beppo se joignit à eux, et tous trois reprirent le chemin du palais Contarini. La fraîcheur de l'air aida peu à peu Giulia à reprendre ses esprits, et Michel, qu'elle pressait de questions, lui conta qu'arrivé dans la nuit même, et n'osant se présenter chez elle à une heure si avancée, il avait voulu du moins passer sous les fenêtres de son palais. Comme il s'en approchait, accompagné de Vespasiano, il l'avait vu sortir avec Beppo et le moine. Étonné et inquiet, les deux cavaliers l'avaient suivi. Ils avaient pu interroger Beppo sans qu'elle s'en aperçût à cause de l'avance qu'elle l'avait prise. Fra Mozzo ayant tenté de se sauver durant l'explication, Vespasiano lui avait fendu la tête du pommeau de son épée. Gritti s'était revêtu de la dépouille de ce méchant prêtre afin de suivre l'aventure jusqu'au bout de ce déguisement. C'était à grand-peine qu'il y était parvenu, en se faisant humble, à dissimuler sa grande taille sous cette robe trop courte. Puis Beppo, après avoir préalablement bâillonné la vieille matrone, avait introduit le cavalier Vespasiano dans la maison. Giulia, ayant perdu connaissance pendant la scène qui suivit l'apparition de Gritti, ne savait ce qui s'était passé. Il demanda pourquoi Vespasiano n'était pas avec eux. Gritti répliqua simplement que le cavalier était demeuré pour expliquer l'affaire à ceux qui n'avaient pas trempé dans l'indigne complot de Ser Luca. « Mais, dit Giulia, ce misérable jeune homme ne vaudra-t-il pas une réparation de l'affront qu'il a reçu ?»« Il n'oserait, » répondit Gritti en souriant. « D'ailleurs, vous avez pu remarquer, Giulietta, que c'est un enfant. Je le désarmerai avec une baguette. » Gritti n'ignorait pas que Luca était la plus habile épée de Venise. Mais il ne voulait pas troubler l'esprit de la pauvre enfant d'une nouvelle inquiétude. Comme ils étaient alors arrivés à la porte du palais, les deux amants se séparèrent, après que Giulia eut fait promettre à Michel de venir voir le lendemain de bonne heure sa tante et Fiamma. Le cavalier Vespasiano, quand Giulia et Gritti furent sortis, remit à Luca Dolci son épée avec la même gravité qu'il la lui avait prise et lui dit « Monsieur, dans le cas où vous seriez mal satisfait de cette affaire, j'ai plein pouvoir de mon ami, le noble Michel Gritti, pour convenir avec vous de telle suite qu'il vous plairait lui donner. » « Don José, dit Luca, « soyez assez bon pour régler ce point avec le cavalier. Vous savez assez quel peut être mon sentiment là-dessus. » Alors Don José fit avec politesse deux pas au-devant de Vespasiano. « Votre nom, s'il vous plaît, monsieur ?» lui dit-il. « Le cavalier Vespasiano, capitaine au service de la Sérénissime République. » Don José se découvrit. « Votre nom, monsieur ?» ajouta Vespasiano. « Don José Aquilar, duc de Frias. » « Je vous salue, monsieur le duc, » dit le cavalier en se découvrant à son tour. « Vous ne pensez pas sans doute, capitaine, » reprit José, « que cette affaire puisse s'accommoder en compliment. » Vespasiano sourit sans répondre. « Je suppose, » reprit le jeune homme, « que vous servirez de second à votre ami, monsieur, et que j'aurai l'honneur de faire votre partie. » Vespasiano sourit encore et s'inclina. « Mais, capitaine, » ajouta Don José, « l'offense étant à peu près égale des deux parts, nul des deux adversaires n'a le droit d'imposer ses conditions. » « Ainsi, parlez, monsieur, dites votre avis, et je dirai le mien, afin que les choses s'arrangent à l'amiable. »« À l'amiable soit, » répondit Vespasiano. « Mon avis est que ni l'un ni l'autre des deux seigneurs que nous représentons ne peut décemment, après ce qui s'est passé, quitter le terrain avant que l'un ou l'autre y soit enseveli. »« Enseveli ?» dit José. « Comment entendez-vous enseveli ?»« Mais enterré, monsieur. »« Fort bien, » reprit Don José. « Cela étant convenu, il reste à savoir quelles sont les armes, le lieu et l'heure. « Les armes ?» dit Vespasiano. « Il n'y a pas d'autres armes que je sache. J'entends d'armes décentes que l'épée et la dague. C'est mon opinion. Quant à l'heure ?»« Le lever du jour, monsieur le duc, me paraît une heure sous tous les rapports assez décente, interrompit Vespasiano. De mieux en mieux, monsieur. Vous ne me laissez rien à dire. Et le lieu? Le Lido, sans doute. Dit le cavalier après un moment de réflexion. Au Lido, on est bien. Mais c'est un lieu public. Il y a tant de désœuvrés qui courent dès le matin qu'on ne saurait y mener une affaire à bout en toute sécurité. Surtout lorsqu'on veut, comme nous, la pousser jusqu'à la sépulture inclusivement. Et j'avoue à votre seigneurie que je tiens à cette clause comme à ma prunelle. Je vous ai déjà dit, monsieur, que nous l'acceptions, ainsi que toutes les conditions, si extravagantes qu'elles soient, dont vous pourriez vouloir orner ce combat. Extravagante, monsieur le duc, reprit Vespasiano. Extravagante, monsieur, est un mot qui tient dans le langage articulé, la place que tient dans la langue des gestes, une chic note sur le nez. Or, votre seigneurie peut apprendre, même d'un soldat de fortune, qu'au terme où nous sommes, il est d'usage de laisser l'offense où elle en est et de ne pas y ajouter une épingle. C'est vrai, monsieur. Et je vous fais excuse, répliqua Don José. Je reconnais, dis-je, que la bizarrerie de cette clause à laquelle vous tenez si fort m'a emporté hors des bords de la courtoisie. C'est assez, monsieur le duc. Bizarre, en effet, peut vous paraître cette clause, et je crois devoir vous en expliquer la signification. Dans les rencontres qui ont lieu entre gens d'honneur, votre seigneurie n'ignore pas qu'on se blesse plus souvent qu'on ne se tue. Cela suffit sans doute, en temps ordinaire, à ce tyran qu'on appelle honneur. Mais dans le cas présent, ne vous semblera-t-il pas risible, comme à moi, monsieur le duc, que les deux offensés survécussent à la fois ? Risible est le mot, dit José. Eh bien, c'est une chance, reprit Vespasiano, que ma clause supprime. Une fois l'un des deux adversaires enterré, il est certain qu'il est mort. Ou du moins, tant pis pour lui s'il ne l'est pas. Positivement, répondit Don José. Mais je suppose que tous deux soient blessés au point de ne plus pouvoir se servir de leurs armes, mais vivant toutefois, votre clause cesse d'être applicable. C'est ce qui vous trompe, monsieur le duc. Ma clause a cela de bon, fort au contraire, qu'elle est, selon le dicton français, une selle à tous chevaux. J'ai eu autrefois à Naples une querelle personnelle avec un capitaine de votre nation, monsieur. Ce que vous dites arriva. Mon adversaire et moi, nous demeurâmes sur le carreau, blessés gravement, mais fort vivants. Alors on nous dressa sur le lieu même une tente où nous prîmes le temps de nous rétablir. Au bout de 3 semaines, nous pûmes reprendre le fil de notre combat. Et puisque j'ai l'honneur de faire votre conversation en ce moment, cela veut dire, monsieur le duc, que le corps du capitaine espagnol gît en cette place. C'est bon, monsieur, mais quel est, dans Venise ou hors de Venise, le terrain que vous avez en vue ? J'ai, monsieur, une sorte de masure avec un jardin derrière l'église Saint-Sylvestre au bord de l'eau. Le jardin est vaste, abrité et en tout point décent. S'il ne vous est pas suspect, étant à moi, je le mets entièrement à votre disposition. À 6 heures du matin, capitaine, nous y serons rendus. Voici ma main. Voici la mienne, monsieur le duc. Et salut à tous. Ce disant, Vespasiano tourna sur ses talons et sortit de la chambre. Les convives, hommes et femmes, sentant que c'en était fait de la joie pour cette nuit, le suivirent de près. Puis Lucas se rendit lui-même à son palais avec Don José pour mettre, disait-il, quelque ordre à ses affaires, mais en réalité pour échapper aux souvenirs du crime et de l'affront que les murs de cette maison lui retraçaient plus vivants.